Chapitre 11e, une vie de rêve. La nuit tombait sur Roupourou le coquet, mais les ténèbres furent bientôt chassées par une étrange procession lumineuse. Une file de vent, camions et voitures brinque-ballantes déferlaient sur la route principale, tel un torrent multicolore. Les néons clignotants accrochés aux véhicules projetaient des éclats d'émeraude, de magenta et de cyan sur les façades grises du village, métamorphosant la rue en un tableau irréel. Intrigués par le vacarme, les habitants sortirent un à un sur leurs pas de porte. L'air vibrait au rythme des basses puissantes, semblables à un roulement de tonnerre qui semblait remonter du sol. Un camion bâché freina brusquement au milieu de la place, s'enfin lâchant un sifflement strident avant de s'immobiliser. Dans un grincement métallique, ses portes s'ouvrirent pour révéler une muraille d'enceinte empilée comme des blocs de béton. Une bande de jeunes, bigarrés et dépareillés, s'agita autour du véhicule, déchargeant le matériel avec une énergie frénétique. Cheveux teintés en arc-en-ciel, pantalons de survêtement fluorescents, bottes en cuir usé, ils semblaient sortis d'un tableau post-apocalyptique. « Mais ils nous envahissent, je vous dis !» murmura un vieil homme, tortillant sa casquette et l'aimant entre ses doigts noueux. « C'est encore les gens du voyage, sûr et certain. Je vous en fiche mon billet, comme l'an passé. Ils vont encore nous mettre le terrain de foot sans dessus-dessous, avec leurs roulottes, leurs chapiteaux, leurs boniments. Tout ça pour dire qu'ils cherchent le bon Dieu. Comme si le bon Dieu, il n'était pas déjà partout, hein ? Mais sûrement pas planqué dans les vestiaires du club, ça je peux vous l'assurer. » Son voisin, la pipe en équilibre au coin des lèvres, plissa les yeux en direction des néons clignotants des véhicules. « Des chapiteaux, t'appelles ça des chapiteaux? Regarde-moi ces trucs, on dirait des soucoupes volantes. »« Bah, c'est pas les gitans, ça c'est sûr !» lança une vieille dame en peignoir, planquée à moitié derrière son portail. « Moi je dis que c'est des extraterrestres. »« Oui, des extraterrestres, je vous l'avais bien dit un jour. Et ils viendraient nous kidnapper pour leurs expériences zinzin humaines là-haut dans l'espace. » Elle éclata d'un rire nerveux, seule, tandis que les autres la regardaient avec un mélange de méfiance et d'agacement. « Des extraterrestres ! Vous débloquez complètement, Josette !» marmonna le vieil homme en secouant la tête. « C'est des jeunes de la ville, ça crève les yeux, des voyous, oui. Ils vont nous ravager le champ de foire et laisser leurs cochonneries partout, comme d'habitude. » Josette haussa les épaules, pas le moins du monde touchée par les critiques, et leva ses mains tremblotantes vers le ciel. « Bah alors ? On fait quoi ? On appelle le maire ? On attend qu'il nous désintègre avec le rayon laser ?» Le vieil homme poussa un long soupir, ses yeux plissés fixant la foule bigarrée qui continuait de se presser. Les basses grondantes faisaient vibrer l'air de la nuit et un rayon vert jaillit, effleurant le clocher de l'église. « Pas besoin » grogna-t-il d'une voix fatiguée en se frottant la nuque. « Ils sont à deux pas de chez lui, ces zigotos. À ce train-là, c'est lui qui va rappliquer pour nous dire ce qui se mijote. » Devant la boulangerie, un groupe de rêveurs s'installa, jonglant avec des bouteilles de bière tout en ajustant leurs lunettes de ski réfléchissantes. Non loin de là, une camionnette crachait des fumées multicolores par son pot d'échappement. Un homme torse nu, une chaîne d'acier autour du cou, soufflait dans un cor de chasse pour accompagner les vibrations des basses qui résonnaient déjà dans tout le bocage. Sur le toit d'un fourgon, de jeunes femmes improvisèrent une séance de yoga, riant aux éclats, tandis qu'un homme barbu jouait des percussions sur des casseroles cabossées récupérées dans un conteneur voisin. Les chiens errants du village, fascinés, couraient après les faisceaux des lasers, tandis que des corbeaux, réveillés par le vacarme, tournaient en rond au-dessus de l'église. « Mais où vont-ils tous ? » demanda une vieille dame, les bras croisés, incrédule. Ils allaient droit vers le champ de la veuve Michaud, transformé en un gigantesque dancefloor naturel. La rive commençait à peine et déjà, Roupourou vibrait au rythme d'un chaos organisé, à la fois fascinant et inquiétant. Mais pendant que la rive battait son plein dans le champ principal, à quelques kilomètres de là, un autre spectacle improbable se déroulait. Dans l'obscurité, un groupe de raveurs s'affairait à décharger des enceintes géantes et du matériel audio d'un vieux camion rouillé éclairé seulement par leur frontale vacillante. « Là, pose-les ici !» « Ça fera une bonne acoustique avec les collines !» cria un jeune homme coiffé d'un bonnet à pompons fluorescents. Personne ne semblait remarquer que le terrain n'était pas un champ vide, mais une plantation de betteraves impeccablement alignée. À chaque pas, leurs bottes écrasaient les feuilles vertes d'un labou, éclaboussant les pantalons en velours multicolores des techniciens improvisés. Un des organisateurs, une tablette GPS à la main, plissa les yeux. « C'est bizarre. Le point est censé être un peu plus à l'ouest, non ?»« Mais non !» répondit un autre, les bras chargés de câbles. « Regarde, c'est plat, il y a de la place, et en plus, ça sent l'humidité. Ambiance en eau grande parfaite. » Ils poursuivaient leur installation, ignorant le faisceau lumineux d'un tracteur qui approchait lentement. Robert, un agriculteur local, stoppa son engin à quelques mètres d'eux, descendit calmement et observa la scène, un mélange de stupeur et de colère dans le regard. « Eh ben, vous êtes venu faire de la discothèque ou chour avec mes betteraves ?» lança-t-il sèchement, les mains sur les hanches. Un silence gêné s'installa parmi les ravers. L'un d'eux, un grand type au crâne rasé couvert de tatouages, se pencha pour ramasser une betterave écrasée sous sa botte. « Et c'est quoi ce truc ? » demanda-t-il, sincère, en tenant le légume comme un trophée. « Fumier de lapin !» rugit Robert. « Vous êtes dans mon champ ! Je vais te faire déguerpir, moué !» Un autre rêveur, les bras chargés de vinyle, leva les yeux au ciel en soupirant, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de l'absurdité. « Mec, on s'est planté ! Ce champ, c'est genre zéro vibes !» Le leader, visiblement gêné mais déterminé à garder la face devant son groupe, s'avança vers l'agriculteur avec un sourire qu'il espérait conciliant. « Pas de souci, mon vieux. On remballe tout, on dégage Fissa. Mais si jamais ça te dit, passe ce soir au concert, t'es notre invité. » Robert croisa les bras, un sourcil levé, les lèvres pincées, en une moue de désapprobation. « Invité ? Non mais je vous en foutrais des invités ! C'est qui me ferait rater mon Pékin Express en plus ! Allez, foutez-moi le camp avant que j'appelle la gendarmerie !» Sous ces imprécations, les rêveurs se mirent à plier bagages en quatrième vitesse, empilant câbles et enceintes dans le camion en un chaos organisé. L'un d'eux récupéra au passage une betterave écrasée qu'il glissa dans sa poche en souvenir de l'incident. Alors que les feux de camp s'éteignaient sur le champ de la veuve Michaud, Rouperoux le coquet retrouvait son calme apparent, mais c'était un calme trompeur. Dès l'aube, les stigmates de la fête apparaissaient au grand jour. Des détritus dispersés par le vent, des marques de pneus incrustées dans la boue, et un silence étrange, presque coupable, qui planait sur le village. Dans les maisons, les habitants se réveillaient, partagés entre la colère et une curiosité résignée. Derrière des fenêtres entr'ouvertes, certains scrutaient les dégâts, la mâchoire serrée. Sur la place du marché, d'autres échangeaient déjà des anecdotes en soupirant. À la mairie, Georges Pivard, le maire, se retrouvait pris d'assaut par des appels furibonds. La veuve Michaud ouvrait le bal avec sa voix stridente, tandis que Robert, le cultivateur de betteraves, ajoutait son indignation à celle des autres. Même le boulanger y allait de sa plainte. Les vibrations de la fête, selon lui, avaient perturbé sa fournée matinale. C'est dans cette ambiance tendue que Marion Letac, journaliste de Ouest-France, débarqua à Rouperoux-le-Coquet. Le bus de campagne la déposa peu avant 10 heures à l'entrée du village. Carnet aspirale en main et appareil photo en bandoulière, elle s'engagea dans la rue principale, une voie si étroite qu'un tracteur avec une remorque aurait suffi à la transformer en impasse. Le village semblait encore engourdi par les excès de la veille, suspendu quelque part entre tradition et chaos. La mairie, avec sa façade grisâtre et ses volets fatigués, se dressait maladroitement entre une boulangerie aux fenêtres mi-closes et un hangar agricole dont la toiture menaçait de s'effondrer. Tout ici paraissait tenir davantage par habitude que par véritable solidité. Depuis son arrivée dans la Sarthe, Marion s'était déjà taillé une réputation grâce à sa ténacité et son regard acéré. Là où d'autres ne voyaient que des faits divers anodins, elle savait déceler des récits plus profonds, révélateurs des tensions de leur époque. Cette rave, elle en était persuadée, n'était pas qu'un simple événement nocturne. Elle symbolisait une fracture entre deux mondes, celui d'une culture en marge et celui d'une communauté enracinée dans ses traditions. Un choc brutal qui méritait bien plus qu'une simple chronique. Ajustant la sangle de son appareil photo, Mario observa les alentours. Les stigmates de la fête étaient encore visibles. Des canettes cabossées gisaient dans les fossés, des restes de bâches en plastique flottaient sous la brise et des éclats de verre scintillaient dans la lumière matinale. Les quelques villageois qu'elle croisa hésitèrent à lui adresser la parole, leur regard oscillant entre méfiance et curiosité. Le café du bourg, ce matin-là, était le théâtre d'une indignation bruyante. Robert, le cultivateur de betteraves, tenait le premier rôle, gesticulant devant un public captivé. Vous imaginez ? Ces oiseaux pensaient vraiment faire danser mes betteraves ? Si c'est pas du possible ! Le patron du café, Hilar, enchaîna sans attendre. « Ah, mais elles auraient peut-être bien aimé tes betteraves. Une petite techno-bio, ça aurait cartonné. » La salle éclata de rire, mais Robert resta impassible, hochant gravement la tête. « Qu'ils reviennent, et cette fois, j'envoie balser tout leur bazar avec mon tracteur. On verra bien s'ils aiment la valse des betteraviers. » Mais l'indignation n'était pas unanime. À l'épicerie, le commerçant comptait avec satisfaction les billets qui s'empilaient dans sa caisse. « C'est fait tard, ils achètent tout ce qu'ils voient, » lançait-il en rayonnant, visiblement ravi de ce regain d'activité. Même le bar-tabac avait écoulé tout son stock de bière artisanale en quelques heures. Une performance inédite depuis la finale de la Coupe du Monde en 2018. Pourtant, au-delà de cet afflux économique soudain, une tension sourde régnait. À la boulangerie, les plaintes fusaient. Du vacarme incessant aux chiens affolés en passant par les jeunes en transe qui avaient déambulé dans les rues jusqu'à l'aube. Pour certains, comme le maire, cet événement représentait une intrusion inacceptable dans la tranquillité séculaire de Rouperoux. Pour d'autres, c'était une opportunité, peut-être un avant-goût d'un monde qui ne leur appartenait déjà plus. Marion, elle, poursuivait son chemin. Les traces du chaos et cette ambiance électrique, à la fois tendue et vibrante, lui confirmait qu'elle tenait là un sujet d'exception. Rouperoux-le-Coquet n'était peut-être qu'un village parmi d'autres, mais l'histoire de cette nuit résonnerait bien au-delà de ses frontières. En marchant vers la mairie, un léger frisson d'excitation la parcourut. Elle sentait qu'un bon papier l'attendait, un de ceux qui captivent et interrogent. Dans son bureau au premier étage, Georges Pivard, maire octogénaire et inamovible d'île locale, l'attendait. Son complet en velours côtelé brun et sa casquette élimée donnaient l'impression qu'il avait été téléporté d'un autre siècle. Affalé dans un fauteuil usé, il lui tendit une main tremblante que Marion serra avec une politesse de circonstance. « Eh ben, madame Le Tac, ça me fait tout drôle d'avoir une journaliste de votre importance ici. Je lis vos articles tous les jours dans le journal. » Marion sourit. Ce n'était pas le premier à exagérer l'importance de son travail, mais l'appréciait l'enthousiasme. « Racontez-moi ce qui s'est passé, monsieur Pivard. On m'a parlé d'une rave party qui aurait perturbé le village. » Le vieil homme hocha gravement la tête et tapa de sa canne sur le carrelage comme pour rythmer son indignation. « Le Totof, comme on l'appelle ici, c'est lui qui a semé la pagaille. Tout a commencé il y a 3 mois que t'es venu me voir à la mairie. C'est le maire qui m'a fait. J'aimerais me lancer dans la rave. » Vous pensez bien que moi j'ai tout de suite pensé à ce que tout bon agriculteur penserait, la betterave. Ou le céleri rave, tenez, ou peut-être même chou rave, bah savoir, bref. Qu'on allait se faire maraîcher bio, un truc comme ça, et qui comptait nous cultiver du navet, ce cornichon. Il hocha la tête, visiblement convaincu par ses propres souvenirs. Alors je dis que ça fait plaisir de voir un petit jeune vouloir reprendre l'exploitation familiale. Vous savez, c'est plus de notre temps ça, mais lui m'a coupé tout net. « Non, monsieur le maire, je ne parle pas d'agriculture, mais de culture. »« Ah ben là, j'ai pas tout de suite tout compris. » Le maire tapa de sa canne sur le sol, comme pour souligner la suite de son raisonnement. « C'est un genre de kermesse, » qui m'a dit après. « Vous pensez bien que moi, je me suis dit, que le petit haut avait été un enfant de cœur, ce qu'il voulait faire, ça serait comme une fête paroissiale. Un truc propre, un peu comme les JMJ du pape. J'ai même demandé si l'évêque allait venir bénir le terrain. » Marion se mordit l'intérieur de la joue pour réprimer un sourire, mais Pivard ne remarqua rien, perdu dans sa colère. « Puis là, madame, vous savez ce qu'il m'a dit, ce garnement ? Que ça allait attirer du monde, que ça ferait rayonner Rouperoux, qu'on parlerait de nous. Et moi, je signais ce bête papier en pensant faire plaisir à tout le village. Mais si j'avais su que ça finirait en foire à réveiller les morts, jamais j'aurais fait une bêtise pareille. » Le maire se leva brusquement, plantant sa canne dans le carrelage pour marquer sa détermination. « Qu'on le revoie pas ici, le Totof, ou c'est à coup de fusil que je le recevrai, fouette Pivard !» Marion nota chaque mot, se retenant de rire à l'évocation des quiproquos autour de la kermesse. Lorsqu'il évoqua sa fureur à l'idée de revoir Totof, elle décida de le relancer. Et à part Totof, quelqu'un d'autre aurait vu ce qui s'est passé. Le maire redressa la tête, comme illuminé par une idée soudaine. « Allez voir la Michaud, la veuve Michaud. Elle a passé la nuit entière à scruter ce bazar avec les jumelles de son mari, paix à son âme. Si elle vous raconte pas tout, c'est qu'elle a plus sa langue. » Marion le remercia poliment avant de quitter la mairie. En chemin, elle croisa plusieurs villageois. Certains baissaient les yeux avec méfiance, d'autres lui adressaient des sourires crispés. Roupourou le coquet portait encore les stigmates de cette nuit de folie. Des détritus jonchaient les bords des rues et les conversations dans les commerces tournaient exclusivement autour de l'événement. Le champ de la veuve Michaud, autrefois soigneusement entretenu, n'était plus qu'une étendue boueuse parsemée de canettes, d'emballages froissés et de vêtements abandonnés. Au détour d'un chemin, Marion aperçut enfin la maison. L'imposant cour de ferme en pierre grise, coiffée d'un toit d'ardoise où des pigeons semblaient tenir conseil, se dressait fièrement malgré les outrages du temps. Devant la porte, une matrone aux bras solides battait rageusement un tapis, semblant défier quiconque d'interrompre sa tâche. « Bonjour, madame Michaud, » lança Marion en s'approchant, confiante. La vieille femme se tourna, essoufflée mais alerte, ses yeux perçants, dévisageant immédiatement la journaliste. « C'est pour cette affaire, pas vrai ? Je me doutais qu'on viendrait. Tiens, suivez-moi. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et entraîna Marion vers un champ bordant la ferme. L'herbe, autrefois verdoyante et soigneusement coupée, avait laissé place à un mélange informe de boue, de détritus et, plus incongru encore, une paire de bottes jaunes abandonnées. « Toute la nuit, madame, boum, boum, boum, je vous jure, mes vaches ont valsé dans les tables comme si qu'elles étaient possédées. » Elle se tourna brusquement vers Marion, son regard mêle en colère et une pointe de satisfaction théâtrale. « Vous voulez savoir ce que j'ai vu ? Vous n'allez pas être déçus. » Marion hocha la tête, prête à noter, tandis que la veuve reprenait de plus belle. « Des punks, à crête multicolore, ils ont pillé mon poulailler, c'est vaurien. L'un d'eux a gobé un œuf cru, là, sous mes yeux, et les autres, ils ont fait une omelette, avec des champignons bizarres, que j'avais jamais vus dans mon champ. » Je suis sûr que c'était des trucs à hallucination, parce qu'après, ils dansaient comme des grenouilles. » Elle fit une pause pour pointer un abreuvoir à quelques mètres. « Et là, là j'ai vu un couple, deux chevelus, un gars et une fille, enfin je crois. Ils étaient, comment dire, en train de forniquer. Dans l'abreuvoir de mes vaches, madame, vous imaginez ça ?» Marion, bien qu'habituée au récit rocambolesque, dut se mordre la lèvre pour réprimer un éclat de rire. Les anecdotes devenaient de plus en plus croustillantes. « Et les gendarmes, vous les avez appelés ? » demanda-t-elle en retrouvant son sérieux. La veuve Michaud, indignée, gonfla le torse comme pour appuyer l'importance de sa réponse. « Évidemment. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Que la rave était autorisée. Autorisée ! Pendant que moi, j'étais enfermée comme une pauvre créature dans un zoo avec des bêtes en rute qui hurlaient dehors. J'ai eu la peur de ma vie, je vous dis. » Elle conclut en croisant les bras, le menton fièrement relevé, comme pour signifier qu'elle avait triomphé du chaos malgré tout. Marion referma son carnet, un sourire en coin. « Merci, madame Michaud, votre témoignage est précieux. » Alors qu'elle s'éloignait, elle sentait déjà l'effervescence monter en elle. Chaque pas vers son prochain rendez-vous confirmait son intuition, cette histoire ne faisait que commencer. Après son départ de chez la veuve Michaud, Marion Letac se dirigea vers la gendarmerie la plus proche, situé à une dizaine de kilomètres à la sortie du bourg voisin. Le bâtiment, un bloc fonctionnel en béton beige, s'élevait fièrement entre un petit rond-point décoré d'une maquette de tracteur et un magasin de motoculture. La pancarte, gendarmerie nationale, légèrement de travers, portait les marques des tempêtes hivernales. À l'intérieur, Marion fut accueillie par une odeur mêlant café tiède et désinfectant. Le claquement des bottes sur le sol carrelé résonnait dans le couloir, imprimant un rythme martial. L'adjudant-chef Cornec l'attendait dans son bureau. Massif et bedonnant, il portait une moustache en guidon de vélo, finement taillée, qui évoquait le raffinement des policiers des années folles. Son uniforme, impeccablement repassé, reflétait un souci rigoureux du détail, tandis que son regard perçant contrastait avec des traits marqués par le poids des années et de l'expérience. Un léger embonpoint trahissait son penchant pour les plaisirs de la table, et sur une étagère derrière lui, une bouteille de Loch Lomond trônait discrètement, ajoutant une touche de convivialité à l'austérité du décor. D'un geste ample, il désigna une chaise face à son bureau. « Prenez place, mademoiselle de Tac. Alors, vous êtes venue pour cette fameuse fête, hein ? Croyez-moi, on n'a pas vu un cirque pareil depuis... depuis jamais, en fait. » Marion esquissa un sourire en ouvrant son carnet. « Oui, adjudant-chef, j'aimerais comprendre comment ça s'est déroulé de votre point de vue. » Cornex adossa son fauteuil, croisant les bras avec l'aisance d'un conteur. « Imaginez un champ, mademoiselle. Tranquille de chez tranquille. Et puis, tout d'un coup, des milliers de zouaves qui débarquent, des camions bardés de projecteurs et des enceintes plus grandes que ma voiture. En moins de 2 heures, paf, un festival entier surgit comme des champignons après la pluie. On avait beau être prévenu, ça fait un choc. » Il secoua la tête, un sourire incrédule sur les lèvres. « Le bruit ?»« Ah, un vrai tsunami sonore. À 3 kilomètres, les gars avaient l'impression que volcan venait d'entrer en éruption sous leurs pieds. Et les fêtards ? Un vrai défilé de ce que l'humanité a de plus extravagant. Du babacool pieds nus qui fait des rondes dans la boue, au type qui scrute le champ avec l'air concentré d'un chasseur d'ovnis cherchant des signes d'atterrissage. » Marion griffonna rapidement, captivée. « Et en termes de sécurité ?» Ah, c'est là que ça devient intéressant. Pas de blessés graves, heureusement. Mais du côté des infractions, une belle moisson. Stationnement gênant, tapage nocturne, et des types tellement imbibés qu'ils ne savaient plus où ils avaient garé leur voiture. Mais le plus contrariant, c'est cette histoire de charbonneurs. Marion releva les yeux, intriguée. Des charbonneurs. Oui, des dealers venus tout droit de la région parisienne. On les avait à l'œil. Mais impossible de leur mettre la main dessus. Ces types-là, ils ont des complicités locales, c'est sûr. Ils se font dans la foule, comme des loups dans un troupeau. Résultat, ils se repartent les poches pleines et nous, on a des dossiers pleins à craquer, mais rien de concret. Il marqua une pause, le temps d'un sourire désabusé. Mais le clou du spectacle, c'est quand même Totov. Vous savez, Christophe Simard, l'organisateur. Ce gamin-là, c'est pas un perdreau de l'année. Il a transformé en chant, en festival et s'en vante partout sur les réseaux. Si vous voulez boucler votre article, allez voir sur Instagram ou TikTok. Cherchez King Totov. Vous y trouverez des vidéos de tout. L'installation, la soirée, même ses astuces pour négocier avec les autorités, comme il dit. Marion ne put s'empêcher de sourire. Merci, adjudant-chef. Vous m'avez donné une belle piste. Cornex se leva pour lui tendre la main, toujours aussi affable. Bonne chance, mademoiselle Le Tac. Et si vous trouvez ce Totov, dites-lui bien que les loups et les moutons finissent toujours par croiser les limiers au détour d'un bois. Marion ouvrit Messenger et trouva facilement King Totov. Ses vidéos virales circulaient partout. Des scènes de fêtes captées à travers un nuage de lumière stroboscopique, des stories vantant la meilleure vibe de l'Ouest, et même une courte séquence où il dansait, hilar, sur une botte de foin. Avec un mélange d'excitation professionnelle et de curiosité, elle composa son message. Marion Le Tac. Bonjour Christophe, journaliste pour un article sur votre rêve à Roupeau le Coquet. Un mot pour les habitants du village. Quelques secondes plus tard, les 3 petits points d'écriture clignotèrent. King Totov. Hello Marion. Dites-leur qu'on est désolé si on a bousculé leur tranquillité. Mais bon, c'est le prix du progrès, non? Emoji. King Totov. On voulait juste partager des vibes positives, pas casser la baraque. La prochaine fois promis, on ramassera même les miettes de chips. Emoji. Marion esquissa un sourire. Sa désinvolture était aussi irritante qu'amusante. Elle décida de creuser un peu plus. Marion Le Tac. Pas inquiet pour les gendarmes? Un instant de flottement, puis une réponse arriva, ponctuée d'un emoji confiant. King Totov. Les gendarmes? Oh, vous savez, il suffit de discuter calmement. Et puis s'ils reviennent, je les invite à la prochaine. Vous verrez, ça détend. King Totov. D'ailleurs, Marion, vous êtes la bienvenue. Les journalistes aussi savent danser, non? Mario haussa un sourcil devant l'audace du personnage, mais préféra ne pas répondre à sa provocation. Elle nota mentalement d'explorer plus en détail ses vidéos pour étoffer son portrait. Rave sauvage en Sarthe. Roupeau secoué. King Totov défie la tempête. Par Marion Le Tac, envoyé spécial. Le calme bucolique de Roupeau-le-Coquet, paisible village de la Sarthe, a été balayé ce week-end par une rave colossale. En quelques heures, un champ isolé s'est transformé en épicentre d'une fête underground, attirant des milliers de participants venus des 4 coins de la région. Mais ce qui devait être une simple célébration de la musique électronique a plongé le village dans le chaos entre anecdotes absurdes et controverses profondes. Jurassic Rave. Panique au village. Toute la nuit, boum, boum, boum. Les vaches ont valsé comme s'ils étaient possédés. » S'insurge la veuve Michaud, qui décrit une scène digne d'un carnaval apocalyptique. Des punks à crêtes multicolores ont pillé mon poulailler et dansé comme des grenouilles sous LSD. Sur place, les habitants aussi entre colère et sidération. Un couple s'est installé dans l'abreuvoir de mes vaches en pleine effusion romantique, poursuit-elle outrée. Les autorités, bien qu'informées en amont, n'ont pu contenir l'ampleur de l'événement. Imaginez un festival entier surgissant en moins de 2 heures, confie l'adjudant-chef Cornec, dépité. Le bilan, pas de blessés graves, mais une longue liste d'infractions, tapage nocturne, stationnement sauvage et soupçons de trafic de stupéfiants. Le roi de la nuit répond. Contacté via Messenger après l'événement, Christophe King Toteuf, l'organisateur, ne cache ni sa fierté ni son détachement face aux retombées. On voulait juste partager des vibes positives et faire vivre de la bonne musique jouée en live. Même si les musiques électroniques étaient à l'honneur, on avait tenu à représenter d'autres styles, le punk, la chanson française, le rock psychédélique, la pop. Désolé pour le bruit, mais promis, la prochaine fois on ramassera même les miettes de chips, lance-t-il avec un sourire en coin. Son attitude désinvolte, saluée par certains pour son audace, exaspère une partie des habitants. « Les gendarmes, je les invite à la prochaine, ils verront, ça détend », ajoute-t-il avec un clin d'œil provocateur. Division locale, un village pris entre deux feux. Pour Georges Pivard, le maire, il ne fait aucun doute que cet événement est une catastrophe. Si je revois ce Toteuf, ce sera à coup de fusil qu'il sera reçu. Mais dans l'ombre de cette indignation, des voix discordantes se font entendre. Depuis quand Roupereau attire du monde ? Cette rave a mis le village sur la carte, admet un commerçant, évoquant un pic inattendu de vente dans son épicerie. Mais à quel prix ? Une vigilance renforcée. Les gendarmes, bien que débordés par l'événement, promettent de ne pas se laisser surprendre une deuxième fois. Ce genre de rassemblement ne se passe jamais sans conséquences, avertit Cornec, qui prévoit déjà des mesures pour éviter de nouveaux débordements. En attendant, le village de Roupereau tente de retrouver son calme, tandis que les souvenirs de cette nuit chaotique continuent de résonner, à la fois dans les récits des habitants et dans les basses profondes des enceintes qui font vibrer le bocage. À la lecture de cet article, l'appartement de Toteuf, une mansarde nichée sous les toits de Paris, vibrait des éclats de rire qui montaient jusqu'aux poutres apparentes. Modeste, mais imprégné de personnalité, le lieu respirait un désordre chaleureux. Un canapé limé, recouvert d'un plaid dépareillé, trônait au centre de la pièce, flanqué d'une petite table basse encombrée de tassés bréchés, de journaux froissés et d'un cendrier débordant de mégots. La fenêtre unique, légèrement entr'ouverte sur la ville, laissait filtrer une lumière tamisée, baignant la pièce d'un éclat doré. Au loin, le murmure constant du quartier s'insinuait, mêlant le bruit des voitures au brouhaha des conversations étouffées, comme un fond sonore inévitable à la vie parisienne. Toteuf éclata de rire, renversé contre le dossier du canapé élimé, ses pieds battant l'air avec l'enthousiasme irrépressible d'un enfant en pleine crise de fou rire. À ses côtés, Camille essuyait les larmes qui ruisselaient au coin de ses yeux, pliées de rire. « La tête de Pivard, je l'imagine déjà, » lança-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres, tout en jouant distraitement avec l'anneau doré de sa bague de fiançailles. Une étincelle de jubilation illuminait son regard. Toteuf, à peine capable de reprendre son souffle, octa de rire avant de taper du poing sur la coudoir du canapé, secouant un coussin déjà affaissé. « Sérieusement, ce vieux crouton va exploser. Je le vois d'ici, rouge comme une tomate, à beugler que c'est un complot contre son village. » Il se redressa à moitié, une lueur espiègle dans les yeux. « T'imagines, Camille, monsieur France Profonde, coincé dans son bureau, a signé les formulaires pour trouble à l'ordre public, pendant que tous les ruraux du coin crient à l'anarchie. » Leurs éclats de rire furent brusquement coupés par le grincement prolongé de la vieille porte d'entrée, un son qui trancha net l'atmosphère légère de la pièce. Tous deux tournèrent instinctivement la tête vers le seuil. Victor apparut, svelte et imperturbable, avançant avec la grâce silencieuse d'un félin. Dans une main, il tenait un sac en papier kraft soigneusement plié, dans l'autre, une bouteille de champagne tsarine, dont les courbes élégantes et le verre brillant semblaient en total décalage avec l'ambiance désordonnée du lieu et l'ironie du moment. Sans un mot, il traversa la pièce, ses bottes laissant échapper de légers grincements sur le parquet usé. Parvenu à la table, il posa le sac avec une précision presque cérémonieuse. Camille, toujours impassible, croisa les jambes avec une élégance nonchalante, tandis que Totoff, les yeux écarquillés, observait chaque geste comme s'il devait assister à un numéro de magie. Victor plongea la main dans le sac et en extirpa trois liasses de billets impeccablement pliés, qu'il jeta sur la table d'un geste de grand seigneur. Le silence tomba instantanément, dense, presque solennel. « C'est l'heure de la paye, » déclara-t-il d'un ton posé, comme si la somme astronomique qu'il venait de dévoiler n'était qu'un détail. « 12 000 €. » Totoff écarquilla encore davantage les yeux, sa voix brisant le calme. « Mais j'ai déjà été payé. » Victor haussa les épaules, son sourire prenant une nuance presque paternaliste. « Oui, comme DJ, mais pas comme actionnaire. Une fois tout le monde payé, musicien, vigile, charbonneur et la cam du labo couverte, il reste ça. » Il divisa la somme en trois parts égales, d'un geste méthodique et assuré, puis désigna chaque pile du doigt. « Toi, le King, en impresario. Camille, notre productrice exécutive. Et moi, le fournisseur exclusif. » Camille, jusque-là discrète, se pencha lentement en avant, ses doigts effleurant les liasses d'argent comme pour savourer leur texture. Elle releva la tête, un sourire narquois au coin des lèvres. « Victor, tu sais comment charmer une dame. » Victor laissa son regard vagabonder entre les liasses de billets et ses deux associés. Camille, comme toujours, maîtrisait parfaitement la situation. Une nouvelle fois, elle avait orchestré cette opération avec un sens aigu de la stratégie, faisant de leur petite entreprise un acteur incontournable dans ce monde parallèle. Il éprouvait pour elle une admiration sincère, rehaussée d'un amour qu'il ne se donnait pas la peine de masquer. Tout, dans sa façon de diriger, résonnait avec ce qu'il avait toujours espéré de la vie, trouver une partenaire aussi brillante que déterminée. Puis, il tourna les yeux vers Totoff. Ce garçon était une révélation. Parti de rien, il avait appris à jouer de la guitare dans le métro et s'était hissé, presque malgré lui, au rang du roi des rêves. Victor ne pouvait s'empêcher de sourire. Avec des associés comme eux, sa structure interlope devenait bien plus qu'un simple réseau. Elle conquérait sans cesse de nouvelles parts de marché. Victor saisit la bouteille de tsarine posée sur la table et fit tourner doucement son col entre ses doigts. « Champagne ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une assurance tranquille. Totoff, bondissant presque du canapé, s'écria avec l'enthousiasme d'un enfant « Champagne !» Il fila vers le buffet où il s'empressa de sortir trois coupes dépareillées, les déposant avec une certaine maladresse sur la table. Camille, plus posée, en prit une autre en ses doigts et l'éleva légèrement en direction de Victor. « Toujours, Victor, toujours !» murmura-t-elle avec un sourire amusé. Victor arracha le muselet d'un geste précis et le bouchon s'échappa dans un claquement net, libérant une mousse légère qui déborda sur ses doigts. Il ne broncha pas, un sourire satisfait éclairant son visage alors qu'il remplissait les coupes, son geste empreint d'un triomphe silencieux.